Le journal coréen Rodong Sinmun, en date du discours, a inséré un commentaire sous le titre « Démarche désespérée des États-Unis au seuil de la fin lamentable ». En voici le résumé. Ces jours-ci, les États-Unis font ouvertement la moue sur le rôle de la Chine pour empêcher le développement nucléaire de la Corée du Nord et exigent d'élever le degré des sanctions et pressions contre notre République. Trump menace en personne de faire des actions séparées si la Chine ne s'y engage pas activement. Les autorités de haut rang de la Maison-Blanche et de l'administration américaine, les personnalités de haut rang du Congrès et des autorités militaires, voire même l'ex-président Obama, parlent bruyamment d'exiger plus fort de la Chine la pression contre la Corée du Nord. Les États-Unis sanctionnent les entreprises et individus chinois qui font du commerce avec nous, étiquettent la Chine comme pire état du trafic humain pour l'exciter, mettent en cause de nouveau le conflit pour la territorialité dans la mer du Sud de Chine et cherchent à exécuter coûte que coûte l'installation de SAD en Corée du Sud avec leurs valets sud-coréens pour ainsi porter atteinte aux intérêts essentiels de la Chine en vue de faire pression sur elle. La frénésie barbare des États-Unis n'est qu'une démarche désespérée, révélant nettement leur désespoir et dépression extrême par manque de méthodes visant à empêcher la sophistication de notre capacité nucléaire qui menace leur vie d'un moment à l'autre. Cet empire du mal tente d'étouffer complètement notre pays en coupant tous les passages commerciaux et sources de fonds, en exerçant une pression sur notre pays voisin. En fait, il a approuvé la vente à Taïwan de pléthoriques quantités d'armes équivalent à 1,3 milliard de dollars américains et parle du soutien à la politique d'une Chine de façon effrontée. Et maintenant, au-delà de l'océan, il cherche à commander la Chine. Son arrogance est vraiment cynique. De plus, même les fantoches sud-coréens se mêlent à la pression sur la Chine. Lors de son périple aux États-Unis, le numéro un sud-coréen a dit que la disposition de SAD est une affaire faisant partie de la souveraineté de la Corée du Sud et que la Chine est injuste de s'en mêler, que c'est injuste de prendre des représailles économiques sous prétexte de SAD et qu'il demande vertement leur levée. Il a prétendu aussi, de façon absurde, comme son suzerain américain, que la Chine doit jouer un rôle plus important pour les sanctions et pressions contre la Corée du Nord. La réalité montre que les demandes barbares des impérialistes américains sont incessantes et que toute concession n'apporte que la honte, l'humiliation et la catastrophe. Tous ceux raisonnables sont tenus de faire un choix juste devant le courant principal de la situation pour la victoire de l'indépendance et la justice.